Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, dans les nouveautés, on va avoir entre autres Guérilla Poubelle avec leur album Punk égale existentialisme. Il y a aussi le nouvel album de 1 qui s'appelle Shotgun, Philippe B avec Taxidermy, Black Mountain avec In the Future. Mais on commence ça par un assez gros canon, un groupe très apprécié, assez fou. C'est Carquois, leur nouvel album ici qu'on a reçu. Un très très beau nom, j'en suis certain. Le volume du vent. Et voici la pièce à la chaîne dans le poste d'écoute. 89.1 FM. C'est fou ça. C'est fou. Complètement fou. Je sens que le temps passe sur ce qui m'entoure, plus que sur moi-même. Chasse les vieux au poids lourd. Moi je ne vois rien, inconscient de courir sur les mers. Les dans vos oreilles. La piqûre dans l'âme blessée. Trois premières pièces du nouvel album de Carquois, le volume du vent. On vient d'entendre le solstice précédé de Dormir le jour et la pièce à la chaîne a commencé. Cette chaîne musicale, à votre chaîne préférée, c'est Fou 89 FM. Hein? C'est bien dit. Carquois, le volume du vent. 2 ans et demi après les tremblements s'immobilisent, la formation Carquois lance le volume du vent qui s'inscrit dans la lignée du disque précédent tout en soufflant sur des terres nouvelles, dit le communiqué de presse pour diffusion immédiate envoyé par l'étiquette qui a produit le disque. En contrôle comme jamais de leur signature sonore, les 5 musiciens de Carquois nous proposent un voyage marquant dans le relief toujours changeant du monde actuel. Carquois émerge d'une période d'activité intense, faite de tournées, ici comme en France, de spectacles aux côtés de créateurs d'envergure. Ses membres nous reviennent inspirés d'artistes contemporains tels Sufjan Stevens ou des recherches minimalistes de Steve Reich et Philip Glass. L'une des trouvailles musicales de l'album est certainement cet enregistrement du vent qui siffle dans une fenêtre, traité ensuite avec différents appareils. Le volume du vent se révèle d'ailleurs à la fois très construit, nourri de mille influences, et indéniablement pop, dans ce que l'appellation a de plus pertinent. Il faut ajouter que plusieurs artistes de haut vol sont passés par le studio du Quintet, dont Elizabeth Powell de Land of Talk, Patrick Watson, Olivier Langevin, Marie-Pierre Fournier, de même que le quatuor Cartier. Le volume du vent, un souffle fort, grisant, jamais tiède, qui balaie le réel pour mieux le mettre à nu. L'album est sorti le 1er avril dernier. On vient de le recevoir ici à C'est Fou. Si vous voulez plus d'informations sur Carquois, allez voir leur site web www.carquois.com. Leur album, je le rappelle, s'appelle Le Volume du Vent. On passe du francophone à l'anglophone, comme on aime le faire. La prochaine formation est canadienne. Elle s'appelle Grand Theft Bus. Vous comprenez tous le jeu de mots. L'album est, en tout cas, si vous ne comprenez pas, si vous ne jouez pas ou vous ne connaissez pas du tout les jeux vidéo, Grand Theft Auto est un jeu assez connu. Grand Theft Bus, donc, l'album s'appelle Made Upwards. Et voici tout de suite Do I Have to Dance dans le poste d'écoute au 89.1 FM. L'autre pièce de Grand Theft Bus, après la pause dans le poste d'écoute. Vous satanisez le poste d'écoute de C'est fou, voici une deuxième pièce de Grand Theft Bus, Automatic, dans vos oreilles. We'll be right back. La formation des Maritimes, Grand Theft Bus et leur album Made Up Words. Ça, c'est la pièce Automatic. Et juste avant, on a entendu Do I Have to Dance. Très bon groupe canadien. J'adore. Donc, un groupe qui vient de Fredericton, c'est leur troisième album complet. C'est un groupe de quatre personnes composé de Bob DeVoe, Dennis Goodwin, Graham Walker et Tim Walker. Ils sont formés au début du millénaire. Leur site web, c'est grandtheftbus.com ou myspace.com/grandtheftbus. Vous pouvez entendre plus de musique de leur part sur leur MySpace. Vous allez aussi apprendre qu'ils font, bon, évidemment, du pop rock. Oui, il va être à Montréal le 11 avril, très bientôt, à 21h au Black Dot. Ça, c'est à Montréal, le Black Dot. Et c'est à peu près ça. Donc, myspace.com/grandtheftbus, grandtheftbus.com. L'album s'appelle Made Up Words. On retourne aux francophones. La prochaine formation qu'on s'en va entendre, c'est Shotgun. Ils nous ont envoyé un beau petit texte ici. C'est un groupe de rock de Latuc formé de trois membres, Stéphane bassiste, Reg batteur et Mathieu Duchesne. Ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble et depuis le début, le groupe fait du rock axé sur la guitare et sur des paroles françaises franches et abrasives. On va aller les entendre tout de suite. On parlera un petit peu d'eux tantôt. Voici Shotgun et leur première pièce de leur album de 8 pièces. Et la première s'appelle En attendant, tout de suite dans le poste d'écoute au 89.1 FM dans vos oreilles. C'est fou à l'UQTR, R depuis 10 ans. 10 ans. 4-4-89-1-20. La formation Shotgun, qu'on vient tout juste de recevoir ici à C'est fou, on fait leur CD, pas la formation elle-même. Shotgun, groupe de Latuc, comme je l'ai dit juste avant les trois pièces. En attendant, Pierre Lambert et 100 fois les trois premières pièces qu'on a entendues. Donc, les membres du groupe sont Stéphane Bassiste, Reg Batteur et puis Mathieu Duchesne. Ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble et depuis le début, le groupe fait du rock axé sur la guitare et sur des paroles françaises franches et abrasives. Après avoir monté un répertoire assez long pour faire un show complet, ils ont fait tous les shows possibles dans leur coin, dans leur coin, un festival familial, un show de motocross, festival de chasse, spectacle de la Saint-Jean. Ils ont joué après Rudy Kaya. Tous les shows qu'ils ont pu faire, ils les ont fait. Ils ont aussi enregistré un démo au studio Radicard ici à Trois-Rivières. Ils ont fait un autre démo au chalet de Mathieu Duchesne avec Simon Duchesne, guitariste des Voisins d'en dessous et de Eden 106. Et ces temps-ci, ils enregistrent tout eux-mêmes. C'est pas facile de sortir de leur bout, disent-ils. J'essaie de prendre. C'est un texte qui est écrit à la première personne, j'essaie de le mettre à la troisième, c'est un petit peu difficile pour moi. C'est pas facile de sortir de notre bout. Par contre, par chez nous, le monde nous connaît, mais c'est un succès très local. On a vendu 300 démos pour du rock, c'est un début. Les groupes qui nous inspirent, Fred Fortin, Galaxy 500, Carquois, Malajube, Noir Désir, Vigard Machin, Xavier Caféine, Groovy Aardvark, Grimmskunk, Les Colocs, Les Chiens, Tool, Primus, Sonic Youth et d'autres. Faire de la musique nous satisfait, mais si on est de la musique, si on fait de la musique, oui, c'est pour se faire entendre. C'est pour ça qu'on fait appel à vous pour nous aider, nous faire entendre. Sinon, juste une critique serait appréciée. Voilà. J'ai bien aimé les premières pièces, les deux premières. La troisième, je trouvais qu'elle sonnait un petit peu mauvais. Il a fallu que je monte le son pas mal ici en studio. Mais bon, myspace.com/shotgunlt, c'est la formation Shotgun. Ils vont être... non, en fait, vous pouvez aller voir le myspace.com/shotgunlt. Je l'ai dit déjà. C'est du rock. Voilà. J'essaie de trouver d'autres choses à dire, mais il n'y en a pas. On passe à un groupe anglophone, c'est la formation Constantines. Leur album, c'est Kensington Heights. On va entendre tout de suite la pièce Hard Feelings dans le poste d'écoute. 89.1 FM, la radio grippée. People's love isn't strong enough. C'est fou dans vos oreilles. Oh, La formation torontoise Constantines avec la pièce Million Star Hotel précédée de Hard Feelings, ça vient de leur nouvel album Kensington Heights. Constantines, un groupe alternatif qui va être en spectacle d'ailleurs à Montréal le 3 mai prochain à 20h au Club Lambie. Les membres sont Dallas World, Will Kidman, Doug McGregor, Steve Lemke et Brian Webb. Vous pouvez les visiter au constantines.ca ou myspace.com/constantines. Je rappelle le nom de l'album, c'est Kensington Heights. On va terminer cette première heure du poste d'écoute avec un groupe qui s'appelle Cosmic Granola. C'est un autre groupe canadien. Leur album s'appelle An Onion's Layers, les couches d'un oignon. On va commencer par la pièce Drying Up et puis ensuite ce sera les pièces Hey Just Think, Digging Deep. Et on verra le reste, c'est pour les gens qui vont écouter la rediffusion du samedi ou du mardi parce que les auditeurs du vendredi, ben, ça va entendre une nouvelle de Radio-Canada. Hein? Restez avec nous. Deuxième heure avec Guérilla Poubelle, Philippe B et Black Mountain, ça promet. Mistakes. fucking mistake. Deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Deuxième heure qui commence par le nouvel album de Philippe B. Oui, un artiste encore une fois qu'on aime beaucoup. Tantôt, on a fait jouer Carquois. C'était super bon. Philippe B, ça va sûrement être aussi. Deuxième album après son album éponyme qui est paru il y a quelques années de cela, en 2005 en fait. Et le voici à l'instant même avec la pièce L'harmonie des sphères de son nouvel album Taxidermie. Ça commence comme ceci dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières, dans vos oreilles. Et les corps étrangers, j'étais à ça, se mélangent et se réveillent. La nuit dérangée par ce tout nouveau soleil. Les âmes congelées se pâment allongées de cette chaleur nouvelle et le grand vide se rappelle avoir connu le vin et l'harmonie des sphères. Étranger viendra terminer sa chute. Le sol va trembler dans la dernière minute et la nuit va tomber. Tout sera changé jusqu'à la prochaine vague, jusqu'à l'aube inévitable d'une race née de l'harmonie des sphères. La lune qui pense à une brune, y a une fille sur la terre qui rêve à un beau brun aux yeux verts, y a une ville dans le désert désespère. Ou rose de cactus, attends un autobus que tombent les étoiles, que l'ombre les ravale, que sombre les vaisseaux, les marins, les spatiaux, et que renaissent des profondeurs une lumière, une fleur dans le désert. Y'a une fille sur la dune qui s'imagine sur Saturne, couchée dans un cratère. Y'a un gars qui rêve de revoir la mer. Y'a un vieux satellite changer d'orbite, se cracher pour de bon, ne plus tourner en rond. Que tombent les étoiles, que l'ombre les ravale, que sombrent les vaisseaux, les marins, les spatiaux, que renaissent des profondeurs une lumière, une fleur dans le désert. Je n'irai pas à Marathon chanter ma peine, mettre ma chanson dans une bouteille qui va s'échouer au New Jersey, au New Jersey. Je n'irai pas au Tennessee y dégainer la poésie. Je n'irai pas jouer le gars cool à Liverpool, à Liverpool. Je n'irai pas Osaka, voir le futur, fuir le delta. Je n'irai pas faker l'amour à Singapour, à Singapour. Viens, on va dire, j'ai rien dit, j'veux ben aller faire un tour à Poulari, puisque je n'irai pas au paradis, ni en enfer, ni en enfer. Je n'irai pas. Oh, Philippe B avec Je n'irai pas à Bilbao, précédé de Rose de Cactus et de L'harmonie des sphères, les trois pièces qui ouvrent le nouvel album Taxidermie, le deuxième pour Philippe B dans le poste d'écoute. 3 ans après avoir donné voix à un premier album éponyme fort bien accueilli du public et de la presse, Philippe B émerge de son hibernation créative et s'amène avec Taxidermie un second effort attendu, dit son document de presse. Connu pour ses talents d'auteur, compositeur et interprète, notamment sollicité par Pierre Lapointe, le musicien originaire d'Abitibi met de l'avant une pop hybride, au cœur de laquelle se côtoient sonorités acoustiques et électriques, guitare, clavier, violon, batterie et sample. Avec sa poésie à la fois terrestre et lunaire, le dit B capture des personnages, des lieux, des moments et les fiches sur des musiques alternant entre folk intimiste et pop classique. En solo comme en tant que guitariste, Philippe B s'est régulièrement produit sur les scènes du Québec, notamment dans le cadre des Francophonies de Montréal et du Festival de musique émergente d'Abitibi-Témiscamingue. Voilà donc pour Philippe B. Il est en spectacle ce soir, le 11 avril, à Sherbrooke, au Téléphone Rouge. Il va être en spectacle demain, samedi, à Québec, au Cercle. Le 9 mai, à Sorel, au Loup-Rouge. Et là, ça continue à Joliette, Saint-Hyacinthe, Alma, Chicoutimi, Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Ville-Marie. Si vous voulez plus d'informations sur ces spectacles, allez voir le philippeb.ca, philippeb.ca. C'est aussi simple que ça. L'album s'appelle, encore une fois, Taxidermie. On passe du francophone à l'anglophone, comme on a l'habitude de le faire. Et là, c'est quelque chose qui m'excite pas mal, hein? Parce qu'ils ont eu une pièce sur les palmarès il y a quelques années de ça. C'est la formation Duchess 16. C'est une formation de Montréal que j'avais appréciée dans le temps. Ils font, ils disent faire du punk autre. Mais bon, vous allez voir en l'écoutant que c'est pas le seul terme qu'on pourrait appliquer à la musique de Duchess 16. Ils vont être en spectacle demain, le 12, au Téléphone Rouge de Sherbrooke. Les voici à l'instant avec la pièce Tenin Nun Nu. Tenin Nun Nu. Passe écoute 89 FM, vos oreilles aiment ça. petit oiseau me dit de vous dire de rester là, une autre pièce de Touch of 16. Au retour, dans le poste d'écoute. Il dit n'importe quoi, le petit oiseau, pareil. La formation montréalaise Duchesses avec la pièce AEAE précédée de La Friche, de Caught Up et de Tenen Non Nu, ou des pièces avec des noms très bizarres dans le poste d'écoute au 89.fm. Duchesses qui nous ont envoyé leur nouvel album Anthologie des Trois Perchoirs. Oui, le nom de l'album est en français. Il n'y a absolument rien d'autre de français, en tout cas je crois, sur l'album, à moins que la pièce Les Résidents le soit. Ils sont en spectacle demain 12 avril au Téléphone Rouge de Sherbrooke. Ensuite, ils s'en vont à New York. Ils vont venir à Montréal le 17 à 21h au Théâtre National pour leur lancement. Ensuite, ils vont être à Québec au Cercle le 18, puis Le Havre, Tourcoing, Reims, Paris et un paquet d'autres endroits en Europe. Donc, ils disent combiner, fusionner la furie et l'intensité du punk rock avec la voix explosive et stylisée de la vocaliste Annie C. Donc, Duchesses s'est formée avec les collaborateurs, des collaborateurs depuis longtemps, Annie C. Deschênes et Ismaël Tremblay, quand ils ont déménagé de Montréal à Québec. Ensuite, ils ont demandé l'aide aux multi-instrumentalistes. Instrumentiste, instrumentaliste, enfin bon, peu importe. Philippe Clément. Et ensuite, pour essayer d'amener un son un petit peu plus live et immédiat dans le trio, ils ont ajouté le batteur Simon Besseret. Ils ont sorti un album, un mini album, un EP de 4 pièces. Ensuite, ils ont passé plusieurs années à travailler en studio et perfectionner leur performance en direct, live devant public. Ça faisait longtemps qu'ils attendaient de sortir un album, en tout cas qu'ils travaillaient sur leur album. Et le voilà, leur premier, c'est Anthologie des Trois Perchoirs. Ils ont performé avec des groupes aussi connus que Depeche Mode, Sonic Youth, Juan McLean, Dinosaur Jr. et les George Leningrad. Présentement, le band planifie une tournée en Europe en avril et le Canada aussi. Et puis, il va y avoir une tournée américaine cet automne. Voilà donc pour eux. Leur album sort le 15 avril. C'est Duchesses avec Anthologie des Trois Perchoirs. On retourne aux francophones et là, on va faire un changement de style assez brusque et assez court. Ça va être vif et intense. Court mais long, gros mais... En tout cas, peu importe. C'est... TLF featuring Ruff. Voici la pièce. Oh, hey, il y a une version instrumentale. Ça me tente quasiment de la mettre. C'est du rap. Et voici Pimp My Life. Ah ouais, pimp la ma vie, dude. Vroom vroom. Kabobo. Faut que je quitte ma life. Que je me mette bien. Que je quitte ma life. Sans cartonner en chemin. Faut pas qu'on bride ma life. Ma tête en chien, j'ai mal. Au tableau de bord, j'accélère sans frein. Faut que je quitte ma life. Je me mets bien, que je quitte ma life. Sans cartonner en chemin, faut pas qu'on bride ma life. Ma tête en chien, j'ai mal. Au tableau de bord, j'accélère sans frein. J'ai tué Mani, avant de tuer ma vie, je me suis offert un petit paradis. À Miami, équipé Gambala, mon crâne via la lourde d'Impala. J'ai quoi te rendre malade, décapoté comme l'Impala. Si tu m'appelles, je suis pas là, je respire l'air des Bajas. Loin des soucis de la France, du car plat. En haute mer, sur un putain de yacht, je repense à mon ancienne vie de mer. Tout peine avec maman, j'ai fait d'elle une reine. Tout roule comme sur une McLaren, mon fils tient les rênes de mon empire, intérieur, cuir, intégral. Les portières ouvertes que pour les potes, fuck ceux qui grattent. Monter sur des putains de jaunes noirs, 22 pouces. J'dois pimper ma life comme Jamel de Boost. Les jaloux visent les roues car ils veulent que je crève. Si je vois mes rêves s'envoler, je les rattraperai en jet privé. Faut que j'équipe ma life, que je me mette bien. Que je quitte ma life, sans cartonner en chemin. Faut pas qu'on bride ma life. Ma tête en chien, j'ai mal. Au tableau de bord, j'accélère sans frein. Faut que j'équipe ma life, que je me mette bien. Que je quitte ma life, sans cartonner en chemin. Faut pas qu'on bride ma life. Le gars coupé, sport doit tuner ma vie et vite. Alain Delon, couleur teintée comme les vitres. Le bonheur en tête, faut que je le rattrape, il m'évite. Je maîtrise ma direction pour ne pas tomber dans le vide. Le son un spinner, il trace ma route. Sur l'autoroute du succès, j'aimerais que je crève ma roue. Je viens du 9-4, tu la plaque du vécu. Les pare-chocs aussi solides que le message que je véhicule. Attention au choc, 3 ans passés à la fourrière. Faut pas que je reste en warning avec ceux qui foutent rien. Marre de stationner sur le parking. Je vais être le king, refait à neuf, l'apparence c'est le smoking. J'essuie la concurrence sur le pare-brise. Je maîtrise les rapports sous l'emprise de la vitesse brise. Ajoute 3-0 au-dessus de la coque. Faut que je sois des milliers de kilomètres quand les MC n'ont pas encore le code. Que j'équipe ma life, que je me mette bien. Que je quitte ma life, sans cartonner en chemin. Faut pas qu'on bride ma life. Ma tête en chien, j'ai mal. Au tableau de bord, j'accélère sans frein. Faut que j'équipe ma life, que je me mette bien. Que je quitte ma life, sans cartonner en chemin. Faut pas qu'on bride ma life. Ma tête en chien, j'ai mal. Au tableau de bord, j'accélère sans frein. Sur le temps route du futur. tueur. J'suis tombé en panne, j'suis garé dans le Val-de-Marne. Le temps que le rap me dépanne. Titré visio, doublé, j'me mets à 9 pour 2007. Fini de tout sec, j'reviens gonflé comme une série Z. La vie m'a braqué au feu rouge pour me dépouiller. Pas de bol, j'ai les portières blindées. Verrouillé, j'ai la rage et ça se ressent quand je prends de rouler. A plus de 300 en pensant au nombre de feux que j'ai brûlé. Plus frais, seul quand j'arrête, t'as c'est à 5-6. J'avance en V6, marque mon territoire, on vit dans la V6. Narde les keufs en ville 6, ils demandent plus qui j'suis. J'ai tuné ma vie, maintenant je vis ici. Du soleil toute l'année, des vieux regards qu'ainsi. Mettez vos airbags devant que cette belle vue m'assiste. Toujours classe, l'allure d'une Porsche. Ma carrosserie résiste à l'œil de ceux qu'on m'a en poche. Faut que j'équipe ma life, que je me mette bien, que je quitte ma life. Sans cartonner en chemin, faut pas qu'on bride ma life. Ma tête en chien, j'ai mal au tape corps, j'accélère sans frein. Faut que j'équipe ma life, que je me mette bien, que je quitte ma life. Sans cartonner en chemin, faut pas qu'on bride ma life. Ma tête en chien, j'ai mal au tape corps, j'accélère sans frein. Ouais, pas besoin de m'appeler, je sais que c'est pas bon. Mais... sans blague. Oh, c'est du rap. C'est un style, y'a des gens qui aiment ça. Voici Guérir la poubelle et l'album Punk Existentialisme. La pièce s'appelle Punk Rock. It's not a job, non pas écoute. Ça aussi, c'est vraiment mon style. Hein. C'est Guérilla Poubelle avec Punk égale existentialisme. Ça, c'est leur album. On vient d'entendre la pièce La drogue, c'est de la merde, précédée de Tapis roulant. Et on a débuté ça par Punk Rock is not a job. Nouvel album de Guérilla Poubelle. Voici le document de presse qu'ils nous ont envoyé du Punk Rock sans aucun compromis. Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire, sans aucun compromis. T'as pas fait de compromis sur quoi, là, en fond? Guérilla Poubelle est déjà un icône de la scène punk underground en Europe. Certains les voient déjà comme les nouveaux Béruriers Noirs des années 2000. Le trio de punk rocker parisien livrera au Québec le 1er avril. Bon, c'est déjà fait. Leur deuxième album, Punk égale existentialisme. Cumulant des ventes de plus de 20 000 copies de son premier disque en Europe, les choses sont tout aussi bien parties pour le deuxième. Bête de concert, Guérilla Poubelle a plus de 400 spectacles dans le corps en 3 ans, dont des tournées au Japon, au Québec, en Belgique et en Angleterre. L'album comporte 19 pièces, plus punk les unes que les autres, plus courtes aussi, je pourrais dire, les unes que les autres, où Guérilla Poubelle dénonce tout ce qui les dérange, tout ce qui ne tourne pas rond sur cette planète. Soutenu par une énergie complètement débordante, Guérilla Poubelle offre des pièces construites de belles façons. De belles façons, d'accord. L'album Punk égale existentialisme offre aussi 3 pièces bonus exclusivement pour la version québécoise, d'une générosité hors du commun. JXP, c'est leur surnom. Inclut aussi à l'album un documentaire vidéo d'1h30, nous les présentant lors de différentes tournées, le tout en format Windows Media Player. Pour appuyer cette sortie québécoise, Guérilla Poubelle fera ses valises et viendra en tournée au Québec du 24 avril au 3 mai. À titre d'invité de groupes importants tels que Les Vulgaires Machins et Mon Oncle Serge, les détails de la tournée sont sur slamdisc.com. Les villes visitées sont Montréal, Québec, Chicoutimi, La Valtrie, Sherbrooke, Neuville et plus encore. En tout, ils vont donner 9 concerts au Québec. Ils en seront à leur deuxième visite en sol québécois. Pour plus d'informations sur Guérilla Poubelle, allez voir le guerilla-poubelle.com. C'est très très facile, Guérilla. www.unionpoubelle.com. Vous pouvez aussi passer par le site de l'émission au www.unechance.com. Tous les liens de tous les artistes de toutes les émissions du poste d'écoute sont sur le www.unechance.com. Il y a aussi la balado-diffusion en MP3 à télécharger. On continue avec un autre groupe francophone en cette presque fin de deuxième heure. La formation s'appelle 72 Rivières Rouges. Leur album s'appelle Une Dose et avec énorme originalité sur l'album, c'est écrit « Avertissement, l'écoute de ce CD peut créer une dépendance ». L'imagination fertile de 72 Rivières Rouges. Voici Une Dose tout de suite dans Poste d'écoute au 89.fm. depuis 10 ans. 89.1 FM. De la formation 72 Rivières Rouges. L'album s'appelle Une Dose et justement, c'était la pièce titre qu'on a entendue juste avant dans ce bloc musical. C'est un groupe de l'Assomption, Repentigny, au Québec. Ils vont être le 19 avril au Chevasse Bar de Repentigny. Ils vont être aussi le 27 mai en spectacle de lancement pour l'album À la Ripaille de Repentigny. Ils vont ensuite être à Saint-Côme et l'Épiphanie, myspace.com/72rivières-rouges ou 72rivières-rouges.ca. Les membres sont Sébastien Provencher, chanteur et guitare, Éric Paiement, voix et guitare, Olivier Provencher, Provencher, batterie, Simon Coulombe, guitare électrique, Amélie Provencher au cœur, Benoît Côté à la basse et Marc Lapointe aux infos et au booking. Formé en décembre 2001, 72 Rivière-Rouge voit le jour lorsque deux frères Provencher, complices musicaux depuis toujours, tentent un premier jam avec deux chums, tout aussi passionnés de musique. Malgré leurs influences musicales complètement différentes, il s'avère que le chansonnier québécois de Sébastien, et Olivier donne une combinaison des plus intéressantes avec le rock metal américain de Simon et Chuck. Si vous voulez lire le reste de la biographie, c'est sur leur MySpace. Nous, on termine la deuxième heure du poste d'écoute avec la formation canadienne Horses. Leur album s'appelle Horsehead Bookends. Et voici Lay Down. Poste d'écoute, 89.1 FM. La troisième heure s'en vient avec, entre autres, Black Mountain. On en parle depuis le début de l'émission. Et la formation Bring Toy. Bay. 14 years since I've been that way. 14 years since I've seen my son. Hit your trigger, rusted gun. Did whatever I had to do. Drank the money and corrode my youth. Nothing but a weary and weathered man. Out to the sea so I can cleanse my hands. Oh, oh, oh. That was also running man. Fled this world by his own hand. Mine never saw the end of the night. Whip me good, show me right. Sickness gathered in my veins. Looming cloud of heavy rain. A song in my head that I couldn't ignore. Push the pedal to the floor. Some letters from my boy. Christmas cards always brought me joy. Then one day they just up and stopped. I guess I couldn't make it out on time. He held his father's bottle in his granddaddy's hand. A note on the table between his plans. Couldn't see a future in anything. Never smiled and couldn't sing. Hit it back east, back to the bay. And 14 years since I've been that way. And I ain't gonna stop and take and blame. And drive right into the ocean, I can hide my shame. muscles, your face laid down. Your eyes are clouded, buried, erased, laid down. Snakes and bugs, they cover your bones, laid down. You got a shovel and dug you a home, laid down. Blood is deep when a river bleeds. Devil's glistening foully. Hair is thick with pain and desire. Cost laid down. Trouble is all you can see laid down. Kingdom come, eternity laid down. Thank you. Troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette troisième heure est garnie, je vous dis, de musique anglophone. On va entendre entre autres la formation Brain Toy et puis The Corpse, Black Mountain. Et puis on commence ça par Malcolm Bald parce que tantôt, là, à la fin de la deuxième heure, on a écouté la formation Horses, la formation rock punk indie de Toronto, Halifax. Et puis de Toronto et Halifax, oui, c'est ça. Et eux, ça donne à jouer souvent avec Malcolm Bald. C'est pour ça qu'on va aller les entendre. Mais avant ça, un petit retour sur Horses. Glenn Barrington et ses amis, ce sont les membres de ce groupe. Oui, et puis leur site web, c'est Horses Run Wild Tonight. MySpace.com/Horses Run Wild Tonight. Voilà. Remettez toutes ces choses en l'ordre et ça devrait donner quelque chose qui a de l'allure. Malcolm Bald, l'album s'appelle Covered in Dust. Voici la pièce Charity, suivie de la pièce Covered in Dust. Tout de suite dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM. Steal the light from my eyes. Et ça, c'était plat de rare. Hein? Mais bon, je n'ai pas arrêté. Il y a des gens qui aiment ça. Hein? Ça peut arriver. C'est très, très subjectif, ce genre de choses-là. Le nouvel album de Malcolm Budd s'appelle Covered in Dust. On vient d'entendre la pièce titre précédée de Charity. Malcolm Budd, qui est un artiste montréalais, folk rock, pop punk, country. En tout cas, c'est ce qu'il dit. MySpace.com/ Malcolm Bald, B-A-U-L-D, en spectacle un petit peu partout en Alberta, Colombie-Britannique. Juste de voir s'il n'y a pas des dates. Oui, au Québec, il va être le 30 avril à 19h au Dagobert avec The Details. Et à Drummondville, le 1er mai, 20h, au Luba Café avec The Details aussi. Ensuite, ils vont faire Rimouski, Sherbrooke, pour finalement arriver à Trois-Rivières le 8 mai à 20h avec The Details. Mais on ne sait pas encore ça va être où. Renseignez-vous sur le myspace.com/MalcolmBald. Je suis sûr qu'avec quelques écoutes, là, je pourrais m'habituer au son. Mais ce que j'ai entendu, pas mon genre. Mais ça, ça veut rien dire. Malcolm Budd, l'album s'appelle Covered in Dust. On continue avec un autre groupe canadien. C'est la formation Brain Toy. Leur album s'appelle Vehicles. Et tout de suite, voici la pièce titre dans le poste d'écoute. L'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Et se fait une première opinion. Ça peut des fois être très très faux, une première opinion. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. formation canadienne Brain Toy avec les deux pièces qui ouvrent leur nouvel album. Ça s'appelle Vehicles, on a entendu la pièce titre, et ça c'est Computational Symptoms. Brain Toy qui est un groupe de Toronto en Ontario. Si vous voulez plus d'informations, c'est myspace.com/BrainToy. Là-dessus, il y a plusieurs pièces à écouter. Et puis ça dit aussi que les... Les membres. Riley O'Connor, Christian Anderson, Devin Gasteiger et Tristan Green. Voilà pour Brain Toy, leur album est sorti depuis le 1er avril, distribué par Maple et Fontanta. Intéressant. MySpace.com/BrainToy, leur album c'est Vehicles. Je me tourne vers ma gauche pour retrouver le regard de Geneviève Beaulieu-Veilleux qui vient de présenter sa chronique que je découvre comme à chaque semaine. Oui, tout à fait. Eh bien, Mathieu, aujourd'hui, je découvre Aaron Booth. Lui, ce gars-là, c'est un homme, c'est un auteur, compositeur, interprète de Calgary. Son style est classé comme du indie pop. Il en est à son 4e album déjà, donc c'est pas un novice. Son premier album, Tune Up, est paru en 1999. Son dernier album, Backstories, donc le plus récent, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, a été mis sur les tablettes le 29 mars dernier, donc c'est tout récent. C'est intéressant de noter que cet album-là a été produit à la fois au Sunday Sound de Calgary, mais aussi dans le garage même de Aaron. Donc, ça va avoir un petit son maison, mais pas, ça sonne pas cacane, comme on dit. Je trouve que c'est bien rendu quand même. Alors, le chanteur, il a voyagé un peu partout à travers le monde grâce à sa musique. On peut penser au Japon. Il a été en Europe, aux États-Unis et bien sûr au Canada. Il a également eu des collaborations avec des groupes connus, dont Arcade Fire, Wicker Tense et Wooden Stars. L'album maintenant Backstory d'Aaron Booth, je vais vous parler un peu de son contenu. C'est des pièces simples, des pièces vraies. Il y a plusieurs histoires qui nous sont racontées, que ce soit à propos de l'amitié, des querelles, du coup de foudre. C'est un ton intimiste. Aaron Booth, il sait trouver les mots pour arriver à nous faire comprendre les émotions. Il possède une voix chaude. Moi, je trouve une voix envoûtante, un peu un chanteur de pommes. Moi, il me fait penser à un peu le style de James Blunt et One Republic. Okay. Ça peut donner une image. Sur le plan instrumental, le disque est assez relax. Il n'y a pas de son superflu. On retrouve comme instrument la batterie, la guitare acoustique, le piano et parfois des percussions. Mais ce qui fait vraiment le charme de Backstories, c'est l'accent qui est mis sur la jolie voix du chanteur. Et je trouve que ça, c'est réellement un mélange qui a été gagnant. Moi, j'ai été conquise. Parce qu'il a une belle voix, ce Aaron. En résumé, Backstories, c'est un album avec des belles paroles qui font réfléchir, puis une voix qui réussit à nous toucher, à nous transporter selon les chansons. Je dis pas que toutes les chansons, les gens vont se reconnaître là-dedans, mais moi, il y en a, j'ai dit « Ah, ouais, celle-là, elle me parle à moi. » Donc, juste pour ça, Aaron Booth, je trouve qu'il mérite d'être écouté. Alors, sans plus tarder, je vous fais écouter « We Don't Pretend », suivi de « Closer to the Vine », toutes deux tirées de l'album « Backstories » d'Aaron Booth. Vous écoutez le poste d'écoute à « C'est fou 89,1 ». Me and my best friend lie silently on the weekend. We don't pretend. Not much for speaking. Sometimes words have no meaning. We don't pretend. La la la la la la la la la la la la la la. Me and my best friend can finish each other's sentences. Strange how they. Any other person, such silences turn awkward. Strange how they end. La la la la. Juste d'entendre Closer to the Vine du merveilleux chanteur Aaron Booth, que j'aime bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et juste avant, ben, c'était une autre pièce qui s'appelait We Don't Pretend. Exactement. Et ça vient de l'album Backstories. Backstories. Toujours d'Aaron Booth. AaronBoothMusic.com, c'est ce que je voulais dire et rappeler. Ouais. Ceux qui veulent plus d'informations, c'est son site web. Une page sur MySpace aussi, un peu partout. Tu tapes son nom sur Google, il y a du stock qui sort. Oui, ouais. Oui, tout à fait, mais Google, c'est rien comparé au site du poste d'écoute. www.unechance.com. Ben là, ça, c'est sûr. Google, voyons. Aucune concurrence possible. Arrête ça. Unechance.com. Geneviève Vaulieu-Veilleux, merci beaucoup. À la semaine prochaine, Mathieu. À la semaine prochaine, au revoir. Nous, on continue en canadien. À la formation The Carps, c'est leur album Waves and Shambles. Voici tout de suite la pièce. Oh, une pièce basée sur une personnalité d'Internet. Une fille qui anime des balado-diffusion, des podcasts sur Internet. La pièce s'appelle Veronica Belmont. C'est le nom de la fille. The Cat. J'ai pas le choix d'aimer The Carps. Tu sais? Hein? Tout de suite, vas-y, écoute 89 FM dans vos oreilles. Aussi en balado-diffusion sur unechance.com. Phantom Theory cannot hurt you. Formation torontoise de Corpse avec leur album Waves and Shambles. On vient d'entendre la pièce Greta Edris, précédée de Veronica Belmont. The Corpse est un groupe qui se dit Metal R&B Zouk, mais vous voyez que c'est pas vraiment le cas. Ils sont très drôles, ces gars. Ils disent d'ailleurs qu'ils vont être en spectacle en 2010 dans Votre Cerveau. Hein, parce qu'ils n'ont pas encore de spectacle prévu. Jamal Tong et Neil A. White sont les membres de ce band qui se trouve au thecarps.ca ou myspace.com/thecarps. C'est un groupe de Scarborough en Ontario, le supposé ghetto de Toronto. Ils sont un duo qui joue de la musique pour les oreilles humaines. Deux personnes dans un band peut être une chose qui libérante, disons-le comme ça. Et c'est ce que c'est. Oui, c'est ça. Dommage qu'ils soient aussi jeunes, disent-ils. S'ils étaient arrivés plus tôt, ils auraient pu prendre le crédit, comme on dit souvent, pour certainement quelques idées nouvelles. Mais là, dans le fond, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils n'ont pas d'idées nouvelles. Enfin bon. The Corps, leur album, c'est Waves and Shambles. On va aller tout de suite écouter une pièce de la formation Black Mountain. C'est du rock psychédélique de Colombie-Britannique au Canada. Leur site web, c'est blackmountainarmy.com ou myspace.com/blackmountain. Vous pouvez entendre plusieurs pièces de leur nouvel album qui s'appelle In the Future. Et tout de suite, voici la pièce Stormy High. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pendant encore une bonne dizaine de minutes au 89.fm. Dans vos oreilles. La formation rock Black Mountain de Colombie-Britannique, leur album s'appelle In the Future. On vient tout juste d'entendre la pièce Stormy High. On va se quitter avec la pièce Angels dans à peine quelques minutes. Le temps de vous dire que c'est numéro 1 sur Earshot. Ça, c'est le palmarès des radios campus universitaires du Canada. Donc, ça va très bien pour eux. On vient juste de le recevoir ici. Ça fait à peine quelques jours. Et puis, si vous aimez ce groupe-là, ben, vous êtes comme Alain Lefebvre de Rock Classique qui l'apprécie et qui l'a fait jouer à son émission. Donc, c'est peut-être de là que vous reconnaissez cette formation. Voilà donc Black Mountain. L'album, c'est In the Future. Je vous remercie d'avoir été là pour le poste d'écoute cette semaine. On a passé plein de bonnes choses, surtout dans le début de l'émission. Disons que le restant, c'était pas fort fort. L'album, Le Volume du Vent, que j'ai bien aimé. Philippe B avec Taxidermie. Mais le poste d'or, l'album à écouter cette semaine, selon moi, c'est Dutch 16 avec Anthologie des Trois Perchoirs. C'est un groupe de Montréal. Voilà, je remercie Geneviève Beaulieu-Veilleux qui a participé à l'émission. Et moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo. Et au palmarès, c'est fou. Le palmarès de C'est fou, qu'est-ce que c'est? C'est la meilleure musique de la station. Hein? On pourrait dire ça comme ça. Le poste d'écoute toujours en direct les vendredis matin à 10h. On rappelle les samedis et mardis à 13h. À la semaine prochaine, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Just begun. You know.